blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon papa. Le choix est très clair. Il avait donné son sang pour moi, Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon ami. Là le choix est très clair. Il a payé son sang pour moi, Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur. Toi, tu es mon enfant. Le choix est très clair. Il est père de tous les hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon époux et toi tu es mon épouse. Le choix est très clair. Il est l'époux des hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur. Toi tu es mon pasteur. Le choix est très clair. Jésus est le pasteur des hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Papa, toi tu es mon frère. Le choix est très clair. Il avait donné sa vie pour moi, Jésus.